Soirée avec DJ Case comme chaque dimanche soir. Bienvenue Case. Bienvenue à la maison. C'est toi qui vas mixer pendant une heure. Une heure de rail, une heure de rail. J'ai ramené mon ballon de foot et ma chicha. Eh bah écoute, tu as raison. Pour entre deux mix, jouer au foot et fumer un peu de chicha. C'est les deux trucs qui vont bien ensemble en plus. C'est le sport et la chicha. Exactement. Ça va bien ensemble. Voilà. Donc on va se faire une heure de folie, de rail, de mix, de ambiance discothèque, festive. Donc on est en pleine canne. Donc on savoure, on kiffe et on va démarrer. Et ben on y va. Coup d'envoi maintenant sur Skyrock. C'est DJ Case au contrôle. Parfait. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Let's go. Quoi de neuf la famille, c'est DJ Hamida, vous êtes bien sur Rail Suprême. Aïe aïe aïe. C'est maudit, j'ai mis les bagages dans l'audit. Je vis sous le ciel gris de Paris, mais je veux la même vue qu'à Bali. Le quotidien m'a rendu écrit. Donc je démarre la caisse, les vitres et les lunettes fumées. Mal à la caisse, les vitres et les lunettes fumées. Au feu rouge, je donne toujours une petite pièce. Je débranche Twitter, Facebook, tout ce qui casse la tête. Dans le sud de l'Espagne, je pars faire la sieste. Ne m'appelle pas, je réponds plus. Un peu de weed, un peu de thune, je suis frais, je me fais bronzer les plumes. Je coupe le son et l'image, je fais un bisou au village. Large, j'ai plus large. Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. C'est l'ambiance, tout le monde danse sur mon son. C'est le bois des voyous, c'est la fête des gros poissons. Poissons à volonté, mais sans alcool. On est plus la dégaine clean, la fête est folle. La dégaine clean, des jours de réagement. des frelons qui sortent d'une journée de radma. J'ai ton bleu travail, attrape tes sapotés. Sans les glaces de souliers, le truc promet. C'est l'ambiance, les frelons sont là. Les pompiers, on a mis un gros son de zona. Bléda, c'est 7, 8, 210 sur les plats. On a des passes, 3, range ta matraque. C'est les yo-yo et les yu-youl, secoue, les fesses sous les épaules pour que tout roule. Y'a pas d'alcool, que du JB, chacha au bout d'une chicha, entouré de gros équipiers. Mais tu le sais, Paris c'est trop petit, pas trop comme un daron qui fume le kiff dans son stop-si. On mélange des cultures et ça plaît même au bab, alors on remélange, cache le marocain dans le baobab. Rachid Arabe, on ramenait jamais ce qu'on volait à la baraque. Par peur de faire marave, débrouillard, plus tout jeune à cause du rachet de système. Beurre et conscience au potentiel en France, c'est facile de se retrouver au head. Halafi, on trempe dans des coups, des trafics. Je suis toujours un petit rêve, mais toujours à l'affût, fils de l'espoir. La débrouillard, les stars, ça, c'est coup de grippe, rachet de système. Tout ce qui part aux yeux, les adeptes extrêmes. Qui tentent de faire recette, se mangent des coups, se relèvent. Mais parfois c'est fatal, ça semble interminable comme les djifada. Avec les moyens du bord dans tous les domaines, on a la hache dans les trabendos. Et puis on tourne au vert aux critiques, photo. Aussi vrai que j'aime mon pays et que rien ne vaut. Rachid System, bro. Suprême en direct sur Skyrock. DJ Kate.

Skyrock, Roy Suprême. C'est DJ Case, DJ Case. Yeah.

Skyrock. DJ Case avec nous comme chaque dimanche soir entre minuit et une heure du mat. C'est lui qui fait la proc, c'est lui qui mixe. C'est Raïs Suprême. Et DJ Case, il est aussi près de chez vous. Exactement, comme donc, tous les semaine. Week-ends. Alors cette semaine, petit point sur la semaine de DJ Case. Voilà, alors, DJ Case. Le vendredi 6, je suis au Théâtre, c'est à la Porte Maillot à Paris. Et le samedi 7, c'est à Lyon au Red Room. Voilà, voilà, nos amis lyonnais, on va aller les voir ce samedi 7. Voilà. Et ben on suivra ça évidemment. DJ Case est là aussi comme chaque dimanche. Mais ça c'est pour toute la France. Bon, pour toute la France. Des sons à tout le monde. Une heure de mix pour toute la France. Il n'y a pas besoin de venir en soirée ce dimanche soir. Et ben on y va, on continue. On y va et je suis toujours avec ma chicha et mon ami Ali aussi qui nous a amené Ali, la chicha. Salut, du Ali, voilà, Ali du Velvet, 146 rue de Crimée, c'est les meilleurs chichas de Paris. T'as été d'ailleurs à la soirée Loup-Garou, Fred ? Pas encore, mais je ne désespère pas d'y aller, un de ces quatre. Pour toi, t'y as pas été encore ? Non, mais des amis, ils ont été, ils m'ont dit que c'était très, très intéressant comme concept. Et bah tous à la soirée Loup-Garou cette semaine, c'est le jeudi soir au Velvet. Voilà, voilà. Allez, bougez pas, dans un instant, on revient, même on est reparti tout de suite avec le son de Raïs Suprême, c'est parti. C'est parti sur Skyrock. Mon cœur s'est endurci comme si j'étais journée. Minuit, une heure, c'est Raï Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock.

Minuit 1h, c'est Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Yeah.

قالت سامحني علاش يا قلبي هواك غدرني راني مجروح شكون لي داويني هي يا رياح ودين غامي سمعهم الحبيب يعرف حوالي يا زينة فهمي المعاني آمن ره راح وكل مولاه العالي هي زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حسنا لك ملقينا آه يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حسنا لك ملقينا Dimanche soir, minuit, 1h, c'est Rail Suprême, en direct sur Skyrock. Et c'est fini, Kaïs, pour cette soirée, Rail Suprême, déjà, le temps passe vite. Le temps passe vite, moi ça m'a paru long aux platines et très agréable. On a pu le voir à travers les messages. Ah oui, oui, ça a défilé. Le hashtag Rail Suprême, allez-y, 41759 pour les messages. Exactement, et on peut me retrouver également sur les réseaux sociaux, sur la page fan Facebook DJ Kaïs. Allez tous cliquer, et DJ Kaïs Paris pour Instagram et Twitter. J'ai pas encore de Snapchat, j'ai pas encore... T'en as un, toi, Fred ? Ah, excuse-moi, j'étais en train de remettre un peu d'ordre. Tu me disais Snapchat, tu vois, dès qu'on parle Snapchat, c'est... Non, je disais, non, pas encore de Snapchat, non, c'est... Il faut que pour la prochaine fois, on ait un Snapchat. Bah écoute, on mettra des photos de soirée loup-garou. Voilà, ça sera pas mal. Soirée loup-garou, effectivement. Alors, gros big up à mon pote Ali, voilà, le Velvet 146 rue Crimée. Le mec qui nous amène les chichas, qui nous met bien dans une bonne ambiance orientale. Merci à toi DJ Kaïs, merci à vous tous d'avoir suivi Rail Suprême. Prochain rendez-vous dans une semaine. Voilà. Ciao. Skyrock.